L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Ce samedi 20 janvier aura lieu une journée information recrutement à destination de celles et ceux qui souhaitent travailler dans le secteur bancaire. Cela se passera à la Maison de la Finance à Nancy. Nicolas Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre de formation de la profession bancaire à Nancy. Tout d'abord, cette journée, elle s'adresse à qui précisément ? Eh bien, cette journée s'adresse à tous ceux qui souhaitent intégrer la profession bancaire par le biais de l'alternance, puisque nous accueillons dans notre centre de formation des personnes qui vont travailler sur les différents métiers de la banque, principalement à partir d'une fin de Bac plus 2, donc ils vont rentrer en licence professionnelle, Master 1 et Master 2, et se préparer donc aux différents métiers de la banque. Les établissements bancaires sont aujourd'hui à la recherche de personnes qui sont intéressées par la relation client, donc la capacité de mener des entretiens conseils avec la clientèle, donc auprès des particuliers, des entreprises et des professionnels. Et donc les profils sont plutôt des candidats qui ont fait un BTS Management des unités commerciales, BTS Relations clients, un DUT Gestion des entreprises administration ou DUT Technique de commercialisation. C'est les filières qui sont principalement recherchées pour exercer les métiers de la banque. 249 postes sont donc offerts en alternance et donc proposés dès ce samedi. C'est la recette idéale pour trouver un emploi aujourd'hui ? Disons que les formules que l'on propose par le biais de l'alternance sont intéressantes parce qu'elles permettent d'allier à la fois l'apprentissage sur les parties techniques bancaires et relations clients et puis la vraie mise en pratique en agence ou en centre bancaire. Et donc ça permet vraiment donc d'avoir une dualité qui aboutit à une réelle professionnalisation des candidats. Bon, sachant que 80% d'entre eux trouveront un CDI à l'issue de nos formations. Ce recrutement, il va se passer comment ? Alors, samedi, l'ensemble des établissements bancaires qui recrutent seront présents, accueilleront donc les candidats pour des entretiens de courte durée et reproposeront des rendez-vous ensuite pour mener des entretiens d'embauche approfondie. Donc là, l'idée, c'est un premier contact avec les établissements bancaires. Les personnes qui viendront pourront faire le tour de l'ensemble de la profession. On aura également à disposition donc l'IUP Finance qui travaille avec nous, qui est notre partenaire universitaire, qui pourra renseigner les candidats sur les parcours, donc licence et nos spécialités de master, puisqu'il y a trois spécialités en fait, l'ingénierie patrimoniale, le marché des entreprises et le marché des professionnels et direction d'agence. Un premier contact ce samedi, donc c'est de 9h à 17h à la Maison de la Finance, et il est conseillé quand même de venir muni d'un CV et d'une lettre de motivation et de lettres de motivation. Oui, c'est mieux de déposer effectivement tout de suite un CV et puis une lettre de motivation. Donc ça permet d'enclencher tout de suite les discussions entre les candidats et les établissements bancaires. Il y aura plusieurs pôles lors de cette journée. Il y aura aussi un pôle travail et handicap. Oui, parce que effectivement, on est toujours en contact donc avec AGFIP et puis donc toutes les structures qui permettent d'accueillir des personnes en situation de handicap. Donc ils seront également présents pour renseigner les personnes qui souhaitent avoir des informations sur leur parcours en situation de handicap. Très bien. Bah écoutez, Monsieur Lambert, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot à faire passer, un message pour les jeunes qui encore se poseraient la question ? Oui, je dirais que les métiers de la banque sont des métiers très évolutifs, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de nos candidats qui rentrent, par exemple, avec une licence professionnelle, des candidats qui exercent tout d'abord un métier de conseiller de clientèle particulier, et puis ce sont des candidats qui vont très vite évoluer vers de la prise de responsabilité dans la banque. On les retrouve ensuite en direction d'agence, on les retrouve ensuite sur des métiers spécialisés. Et puis, le dernier point, je crois que c'est la prégnance numérique qui fait que nous avons réformé quasiment, une bonne partie de nos programmes pour faire en sorte que les futurs salariés de la profession soient vraiment aguerris aux techniques numériques et à l'utilisation des techniques numériques. Donc voilà, c'est les deux grands axes aujourd'hui sur lesquels on travaille. Donc l'évolution professionnelle et puis l'intégration aux nouveaux métiers de la banque. Donc rendez-vous ce samedi 20 janvier de 9h à 17h à la Maison de la Finance. 91 Avenue de la Libération à Nancy. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.